l'Académie de France Culture. Les nuits de France Culture, une mémoire radiophonique. À la mémoire de Madame Flora Tristan, auteure de L'Union ouvrière, les travailleurs reconnaissants, liberté, égalité, fraternité. Tout est dit ? Non, une épitaphe ne peut tout dire, on s'en doute. Elle ne dit pas la publication de Pérégrination d'une paria, véritable autobiographie qui fit scandale. Le livre fut brûlé en place publique par son oncle, devant toute la famille réunie. Quant au mari, il la rendit célèbre du jour au lendemain, bien malgré lui, en tirant sur elle une balle, et heureusement en la ratant. Il faut lire son Tour de France, journal 1843-1844, et sans doute le roman de Mario Vargas Llosa. Et il faut suivre, bien sûr, une vie, une œuvre consacrée à Flora Tristan, diffusée pour la première fois sur France Culture le 30 novembre 2003. C'est la vie d'une femme romantique, de l'époque romantique, une femme messie, une femme qui a fait un voyage extraordinaire, une femme qui s'appelait elle-même la paria, les pérégrinations d'une paria, qui a subi toutes les horreurs de la condition féminine dans une France sans divorce et complètement assujettie au code civil, c'est-à-dire que le domicile était celui du mari, et le mari faisait de ses enfants ce qu'il voulait, et elle a fini dans un immense rêve messianique. Et je suis très heureuse que Vargas Llosa en ait fait un personnage de roman où il unit Flora à son petit-fils qu'elle n'a jamais connu et qui est le peintre Gauguin. Une vie, une œuvre, Flora Tristan. Dès le jour où les enfants de la classe ouvrière seront élevés avec soin et qu'on s'appliquera à développer leur intelligence, leurs facultés, dès le moment où par leur instruction, leurs talents, leurs bonnes manières, il n'y aura plus entre les enfants du peuple et ceux de la classe riche aucune différence, je le demande. En quoi pourrait encore consister l'inégalité ? La vie de Flora Tristan est une véritable épopée qui nous introduit dans toutes les couches de la société des pays qu'elle a traversés. Femme fascinante parce que téméraire et avant-gardiste dans ses agissements et dans ses écrits, femme dotée d'une immense énergie, peut-être celle du désespoir, elle fut de son vivant bien souvent incomprise. En ce début du 19e siècle, frileux et réactionnaire, Flora Tristan a laissé une œuvre qui fit dire à André Breton « Il n'est peut-être pas de destinée féminine qui, au firmament de l'esprit, laisse un sillage à la fois aussi long et aussi lumineux que celle de Flora Tristan ». Êtes-vous intéressée à tout cela, Madeleine Lasserre ? Lorsque je suis arrivée à Bordeaux, je suis lyonnaise d'origine, pas du tout bordelaise, je n'avais aucune famille ici. Et un jour de Toussaint, je savais que Flora Tristan était enterrée au cimetière de la Chartreuse, j'ai voulu aller porter des fleurs sur sa tombe. Et j'ai eu beaucoup de mal à dénicher la tombe de Flora Tristan, parce que je m'étais dit, je suis une grande fille, je vais la trouver. Pas si facile, le cimetière est grand, 27 hectares. Oui, c'est vraiment reculé. Hein. C'est contre le mur sud du cimetière, dans un endroit où il faut bien le connaître, d'autant que la tombe elle-même, c'est une colonne brisée, comme il y en a beaucoup dans ce cimetière. C'est un monument symbolique, une vie qui a été brisée trop tôt, mais elle est dissimulée par une autre tombe, donc il faut vraiment savoir où elle est. C'est loin encore là, c'est Encore un peu, il faut marcher. Mais rassurez-vous, nous sommes sur le bon chemin. C'est juste après la chapelle que vous voyez, donc c'est complètement dissimulé contre le mur. C'est une tombe qui a été restaurée il n'y a pas très longtemps, il y a quelques années, grâce à l'intervention de Huguette Bouchardot. Voilà la tombe donc de Flora Tristan. Très fleurie. Hein. Qui est très fleurie, oui. Pourquoi ? Je ne sais pas. Qu'est-ce qu'il y a eu à Flora ? Il y a peut-être eu... CGT. Institut d'histoire sociale. Mais enfin, pourquoi ? Ah, peut-être pour la Toussaint, je ne sais pas. Enfin, vous voyez les dates qui sont vraies et fausses. Oui. 1803, 1848. Oui, elle est morte avant. Elle est morte en 1844, mais le monument lui-même n'a été élevé qu'en 1848. Donc, il y a un mélange des dates biographiques et des dates, disons, architecturales. C'est assez curieux et c'est assez trompeur. Si on venait chercher les dates de Flora Tristan ici, on aurait une surprise. Donc elle est morte, elle avait 41 ans. Elle était jeune, oui. À la mémoire, donc, il y a une plaque de marbre. À la mémoire de Madame Flora Tristan, auteure de l'Union ouvrière, les travailleurs reconnaissants, liberté, égalité, fraternité. C'est tout l'esprit de la révolution de 1848 qui est transcrit sur cette épitaphe. Et c'est une colonne toute simple. Avec pierre jaune un peu. Hein. Oui, en calcaire, avec une guirlande de chêne et de lierre qui sont des symboles de fidélité. Et puis sur la colonne brisée, sur la brisure de la colonne, le livre qui est posé en biais, l'Union ouvrière, l'ouvrage qu'elle avait fait paraître en 1843 et qui est l'ouvrage dans lequel elle demandait déjà ou elle préconisait déjà aux prolétaires de tout pays de s'unir à la célèbre formule que Marx a reprise, prolétaires de tous les pays, unissez-vous. Elle est d'elle et non pas de Marx, donc de temps en temps on va lui rendre ce qui est à elle. Dominique de Santy, vous connaissez bien la vie de Flora Tristan. C'est une véritable épopée, cette vie. Elle est donc orpheline de père, avec une mère ans, qui gagnait sa vie comme couturière en chambre, c'est-à-dire qu'elle ne la gagnait pas. Et elle s'est mariée à 16 ou 17 ans à quelqu'un, Chazal, qui était graveur, c'était un artiste. Alors évidemment, ça l'exaltait. Elle qui avait appris à lire sans aller à l'école, c'est sa mère et son oncle qui lui ont appris, et qui lisait absolument tout, debout sous ce qu'était à cette époque les galeries autour de l'Odéon où on vendait les vieux livres, et au Palais Royal, et debout elle lisait. Elle lisait avec avidité, et donc... Elle s'imagine qu'épouser un artiste, c'est une merveille. Malheureusement, l'artiste était alcoolique, très paresseux, ne gagnait donc pas sa vie, buvait et s'endettait. Ils ont eu 3 enfants, dont l'un est mort assez rapidement. L'autre garçon n'a pas eu un destin éclatant. Et il est devenu marin, je crois. Flora a certainement été une femme battue. Elle a été en tout cas une femme maltraitée, très maltraitée, et elle s'est enfuie. Elle s'est enfuie, elle était enceinte du 3e enfant, Aline, qui deviendra un jour la mère de Gauguin, mais tout ça, elle ne le savait pas, bien sûr. Elle était là et elle n'avait appris qu'à colorier les gravures pour les étiquettes des confiseurs. Seulement, ça ne suffisait pas à gagner sa vie et celle du bébé qu'elle a été obligée de mettre en nourrice presque tout de suite. Et elle a été la dame de compagnie, dit-elle. Enfin, nous dirions la ladysmaid, c'est-à-dire la première femme de chambre, peut-être, d'une lady, justement, britannique, bien sûr. Et elle a vécu à Londres, on ne sait pas trop comment. Stéphane Michaud, Flora Tristan était en fait une femme sans éducation qui a tout appris elle-même. Oui, ce qui est assez magnifique, c'est de voir que, au fond du jour où elle a compris qu'elle n'avait pas d'avenir avec son mari, qui était un brutal et un personnage qui avait descendu ses effets dans la rue en disant « mais je t'en prie, gagne ta vie », eh bien de ce jour-là, elle a acquis une culture qui est tout à fait impressionnante. Je pense qu'on la changera jamais en femme de cabinet et en personnage qui fréquenterait les bibliothèques plus qu'il n'est raisonnable. Mais qu'on n'en tire pas la conclusion qu'elle n'aurait jamais lu de livres ni qu'elle n'aurait fréquenté les bibliothèques. Lorsque j'ai voulu essayer de tirer au clair les pérégrinations d'une paria, son récit du voyage au Pérou, je me suis aperçu qu'il n'y avait pas à Paris les livres qu'il fallait et que les mémoires qu'elle cite dans son ouvrage, celles du général Miller, qui était un Anglais qui avait combattu pour l'indépendance du Pérou, ces mémoires étaient indispensables, sinon je passais à côté des choses. Donc une Flora Tristan illettrée, oui, mais seulement un certain temps. Appio de Tristan, Paris, courant 1829. Monsieur, c'est la fille de votre frère, de ce Mariano chéri de vous, qui prend la liberté de vous écrire. Je me plais à croire que vous ignorez mon existence et que de plus de 20 lettres que ma mère vous a écrites pendant 10 ans, aucune ne vous est parvenue. Sans un dernier malheur qui m'a réduite au comble de l'infortune, jamais je ne me serais adressée à vous. J'ai trouvé une occasion sûre pour vous faire parvenir cette lettre et j'ai l'espoir que vous n'y serez pas insensible. J'y joins mon extrait de baptême. S'il vous restait quelques doutes, le célèbre Bolivar, l'ami intime des auteurs de mes jours, pourra les éclaircir. Il m'a vu élevé par mon père, dont il fréquentait habituellement la maison. Vous pourriez voir aussi son ami, connu par nous sous le nom de Robinson, ainsi que M. Bonplan, que vous avez dû connaître avant qu'il ne fût prisonnier au Paraguay. Je pourrais vous citer d'autres personnes. Alors mon père n'avait pour toute fortune que la rente de 6000 francs que son oncle l'archevêque de Grenade lui avait laissée à titre d'aîné de la famille des Tristan. Il reçut aussi quelques sommes que vous lui envoyâtes, mais les plus considérables ont été perdues. 20 000 francs furent pris par les Anglais et 10 000 sautèrent avec le vaisseau la Minerve. Néanmoins, grâce à l'économie de ma mère, mon père menait une vie fort honorable. 13 mois avant sa mort, il acheta une maison à Vaugirard, près Paris. Lorsqu'il mourut, l'ambassadeur, Monsieur le prince de Macerano, s'empara de tous ses papiers. Vous avez dû les recevoir par l'intermédiaire de l'ambassadeur d'Espagne et avec eux le contrat d'acquisition de la dite maison. Mon père avait payé en partie cette propriété. Si on l'avait laissée à ma mère, cela l'aurait aidé à nous élever, mon frère et moi. Je ne désire pas, monsieur, que l'aperçu des malheurs dont je vous ai bien faiblement esquissé les traits vous en fasse découvrir les détails. Votre âme sensible au souvenir d'un frère qui vous aimait comme son fils souffrirait trop en mesurant la distance qui existe entre mon sort et celui qu'aurait dû avoir la fille de Mariano. De ce frère qui, frappé comme d'un coup de foudre par une mort subite et prématurée, une apoplexie foudroyante, n'a pu dire que ces mots « ma fille ». Pio, vous reste, malheureux enfant. Cependant, ne croyez pas, monsieur, que quel que soit le résultat de ma lettre auprès de vous, les mânes de mon père puissent s'offenser. De mes murmures, sa mémoire me sera toujours chère et sacrée. J'attends de vous justice et bonté. Je me confie à vous dans l'espoir d'un meilleur avenir. Je vous demande votre protection et vous prie de m'aimer comme la fille de votre frère Mariano a quelque droit de le réclamer. Je suis votre très humble et très obéissante servante, Flora de Tristan. Dominique de Santi, on va revenir un petit peu en arrière. À l'âge de 15 ans, vous racontez très bien que Flora Tristan entend un mot qui fait mal. C'est une bâtarde. Mais oui, absolument. Parce que ses parents se sont rencontrés en Espagne. Sa mère, qui pourtant n'était nullement une aristocrate ni même une bourgeoise, avait fui la Révolution cependant, et elle était couturière en Espagne, où elle a rencontré Tristan de Moscoso, un fils de famille qui se trouvait en Espagne au cours de ses voyages d'exploration et plus ou moins d'exilés politiques, de révoltés, d'amis de Bolivar. Ils partageaient vraiment la chambre et le pain, comme aurait dit Desnos. Et ils avaient le même rêve. Le rêve de donner la liberté à tous les peuples d'Amérique latine. Et Tristan de Moscoso était donc un aristocrate révolutionnaire. Mais il est mort. Alors, il a rencontré cette jeune couturière qui s'appelait l'aînée, et ils ont contracté un mariage religieux ils ont été unis par un prêtre évidemment non assermenté, puisqu'il avait fui la France, un prêtre français, un prêtre catholique français, qui avait fui la Révolution lui aussi, qui donc n'était pas un prêtre assermenté, et le mariage n'était pas valable aux yeux de la loi française, parce qu'il n'avait pas été enregistré par un consulat français. Et elle était donc bâtarde. Et c'est un mot qui l'a fait tellement souffrir que probablement ça l'a poussée vers ce mariage avec Chazal. Et en tout cas, c'est de là qu'est née son idée qu'elle était une paria. Et sa révolte et son caractère. Ah oui, elle était rejetée. Oui, oui. Elle était rejetée d'ailleurs. À 15 ans, elle avait eu un premier amour. Alors là, du coup, la grande passion avec un jeune homme presque de son âge, mais dont la famille a évidemment refusé aussitôt qu'elle a vu les papiers, parce que c'était une bâtarde. Donc, pour elle, c'était comme un stigmate. Elle se sentait tatouée, et ce n'était pas la mode, de ce mot « bâtarde », donc « paria ». Et ça allait aussi avec la pauvreté, parce que le père est mort, elle avait 5 ans. Et oui, et tout leur a été enlevé, puisque Thérèse l'aînée n'était pas la femme de Tristan de Moscoso. Elle avait tout pour une révolte qui aurait pu la pousser vers les bas-fonds et qui l'a propulsée vers le désir de venir en aide à tous les paria de la société, et alors elle a rencontré ce mot de prolétaire, et elle s'est voulue la messie des prolétaires, et surtout de celle qui était la prolétaire du prolétaire même, c'est sa femme, car elle a dit « tout être, si opprimé fut-il, trouve un être à opprimer, c'est sa femme, elle est la prolétaire du prolétaire même. » La femme naît libre et demeure égale à l'homme en droit. Les distinctions sociales ne peuvent être fondées que sur l'utilité commune. Femme, réveille-toi, le tocsin de la raison se fait entendre. Dans tout l'univers se reconnaissent tes droits. L'homme esclave a multiplié ses forces, a eu besoin des tiennes pour briser ses fers. Devenu libre, il est devenu injuste envers sa compagne. Oh, femme! Femme, quand cesserez-vous d'être aveugle? Préambule des droits de la femme, Olympe de Gouges, 1792. Elle se disait que elle était une aristocrate, ce qu'elle était de par son père. Et elle écrivait régulièrement à son oncle, le signor de Moscoso, qui était un grand propriétaire terrien, qui possédait des mines, des champs, des esclaves, tout. Et un jour, il lui a quand même répondu, en lui disant « Il est très possible que vous soyez la fille de mon frère, mais rien ne le prouve. Donc je ne peux pas vous considérer comme un membre de ma famille, mais vous pouvez venir et vous trouverez toujours un abri chez moi. » Quelque chose de ce genre, je ne cite pas, hein, on n'a pas la lettre. Alors, en tout cas, il l'a aidé à partir. Il lui a envoyé une petite somme et elle est partie sur une sorte de cargo qui prenait des passagers. Le voyage a duré des mois. Elle a laissé ses enfants. Elle ne pouvait pas les emmener, car si elle avait avoué qu'elle était mariée et mère, l'oncle horrifié par cette bâtarde munie d'enfants ne l'aurait même pas reçue. Donc elle partait avec la seule étiquette d'être la fille de son frère. Et elle a fait une traversée à la fois épouvantable et très romantique, parce que bien entendu, le commandant de bord s'était pris d'elle, et elle a débarqué chez son oncle, qui, la voyant, a reconnu la ressemblance avec son frère, et a répété « Je crois tout à fait que vous êtes sa fille, mais vous n'avez aucun droit à l'héritage, mais ça n'a pas d'importance, vous n'avez qu'à vous installer ici, je vous marierai, et vous serez très heureuse parmi nous. » Elle savait bien que c'était impossible, puisqu'elle était mariée. Et surtout, elle voulait revoir Aline, sa fille. Alors, elle a écrit un journal qui est devenu Les pérégrinations d'une paria, et qui est proprement admirable, parce qu'on y voit tout. On y voit l'esclavage, et sous ses couleurs les plus bouleversante, parce que une femme qui travaillait sur les champs de l'oncle et qui était une esclave noire ou métissée avait été condamnée à mort pour avoir assassiné sa propre fille. Et Flora a demandé à voir cette femme et elle l'a vue. Et cette femme lui a dit « Oui, je préfère savoir ma fille morte que de savoir qu'elle aura une vie comme la mienne, qui n'est même pas la vie d'un chien. » Et Flora n'a jamais oublié ça. Donc, elle a également connu ses parentes dans la famille de l'oncle, y compris une supérieure de couvent très intellectuelle, très intéressante. Mais elle a toujours vu que les femmes n'existaient que par leur mari ou leur fils ou leur père, qu'elle n'existait jamais en elle-même et qu'elle se résignait parce qu'elle ne voyait pas quel autre sort elles auraient pu avoir. Lettre à Charles Fourier. Monsieur, depuis très longtemps, j'avais le plus vif désir de faire votre connaissance et je vous remercie bien affectueusement du bon accueil que vous avez bien voulu me faire. Je vous envoie une de mes brochures. C'est une de mes pensées. Il y en a plusieurs de semblables dans mon cœur, mais à quoi cela sert-il puisque personne ne me comprend? J'ose vous prier, monsieur, de vouloir bien vous rappeler de moi lorsque le cas viendra où vous aurez besoin d'une personne dévouée. Je peux vous assurer que vous trouverez en moi une force peu commune à mon sexe, un besoin de faire le bien et une reconnaissance profonde pour tous ceux qui me procureront les moyens d'être utiles. Agréez, monsieur, l'assurance de ma haute considération. Flora Tristan. Peut-être pouvons-nous commencer par le premier petit fascicule qu'elle a écrit. Elle signe ce premier ouvrage, Nécessité de faire un bon accueil aux femmes étrangères, de Madame et ses seules initiales, F.T. C'est-à-dire que probablement, dans l'orgueil qui est le sien, en tout cas dans sa fierté, elle se voit mal tout à fait à la hauteur de la réclamation très concrète qu'elle a envie de défendre. Et cette réclamation est tout à fait importante, et je pense qu'elle ne l'aurait jamais faite sans l'expérience qui la caractérise, c'est-à-dire sans cet immense voyage au Pérou, qu'elle a derrière elle. La brochure est de 1835, le voyage est de 33-34, donc elle est allée très loin, elle a d'autre part couru sur les routes de France, et une femme qui voyage, pardonnez-moi, la brutalité n'est pas la mienne, mais c'est celle du langage de l'époque, n'est qu'une prostituée. Il n'y a pas de femme dans la rue, sauf celle qui. Alors dans ces conditions, elle se demande pourquoi la société est aussi inégalitaire. Et c'est pas tout à fait pour rien que cette Flora Tristan est fille de la Révolution française, qu'elle se sent une proximité immédiate avec toutes les féministes qui ont dit la Révolution avait proclamé les droits de l'homme et du citoyen, mais l'homme, non pas au sens masculin, mais en générique, être humain. Alors, à quand la traduction féminine? Et cette traduction féminine, ma foi, a coûté la vie à Olympe de Gouges, qui, dans cette déclaration des droits de la femme, eh bien, a payé de sa tête le courage qui avait été le sien. Comme en Angleterre, Mary Wollstonecraft sera aussi celle qui réclamera des droits pour la femme. Mais voyez, je dirais, la différence du tout premier ouvrage, qui est une toute petite brochure, 35 pages, avec un sujet un petit peu austère, la différence qu'il y a de cette toute première brochure qui n'est pas signée de son nom au premier ouvrage qu'elle signe de son nom est très importante. Parce que voici que cette fois, dans l'ouvrage qu'elle signe de son nom, Pérégrination d'une paria, nous avons toujours le féminin, une paria, mais cette fois-ci, elle apparaît en tant qu'elle-même et elle entend faire témoignage véridique, quoi qu'il en coûte. Et peut-être sait-on que ça lui a coûté très cher. Oui. Elle insiste dans la préface sur la vérité et elle a l'air très au courant de ce que ça peut lui coûter, mais peut-être pas tout. Voilà, c'est-à-dire qu'elle s'est peut-être pas aperçue que là où elle reprenait un vocabulaire saint-simonien, elle allait pour de vrai cette fois être crucifiée. C'est-à-dire que son mari qui l'entend au bas de chez elle, et puis qui lui décharge son pistolet en pleine poitrine, ma foi, ne l'avait pas fait par hasard. Mais je crois qu'il est juste aussi de dire que sa franchise était toute proche de la provocation. Qui, aujourd'hui, où les lois, les mœurs, etc., ont tellement changé, aurait beaucoup de plaisir à voir dans les librairies, peut-être pas d'un best-seller, n'allons pas jusqu'à dire que les Pérégrinations d'une paria ont été un best-seller, mais tout de même un ouvrage qui s'est bien vendu. Qui aurait plaisir à voir son nom en disant « Monsieur Untel est vraiment un personnage infâme ». Oui, surtout qu'elle n'a rien caché, hein, rien. Voilà, elle a donné le nom de son mari, il ne manquait plus que l'adresse. Bon, mais lui, en revanche, s'est mis en quête de l'adresse de sa femme, dont il vivait séparé depuis désormais presque 10 ans, et cette fois-ci, il ne l'a pas manqué. Ça a été un peu vrai aussi pour l'oncle. Il n'a pas apprécié non plus l'oncle du Pérou. Alors, l'oncle du Pérou, ma foi, l'expression en français signale qu'il est riche comme tout. Et ça, c'est vrai. Mais qu'il se voit désigné comme un vieux grigou, comme un avare, etc., évidemment, ne lui a pas plu. Au demeurant, cette fois, je dirais la franchise de Flora Tristan, puisque c'est un terme dont elle se réclame, est tout à fait fondée. C'est-à-dire qu'elle est la première à dire le Pérou s'appelle République, mais c'est un tour de passe-passe, c'est une opération de prestigitation, et en dernier lieu, c'est une comédie. Et cette fois-ci, l'observation est parfaitement juste. C'est-à-dire que les historiens aujourd'hui montreraient qu'il n'y avait pas de conscience nationale au Pérou. Et Flora Tristan, au fond, fait valoir une chose qui est très importante, et c'est sans doute la raison pour laquelle le Pérou aujourd'hui la considère comme un écrivain national, c'est qu'un pays existe s'il y a une conscience nationale. Alors à cet égard, je pense qu'elle est tout à fait dans le droit fil des idées de Bolivar. Et Bolivar, qui donc a fréquenté la maison de ses parents quand il était tout jeune, a fait valoir aux autres créoles, autrement dit à ces Espagnols nés sur la terre américaine, il leur a fait valoir « votre indépendance n'a pas de sens ». Et d'autre part, elle est extrêmement fragile, puisque la métropole a envie de reprendre ses territoires. Cette indépendance est très fragile tant que le pays tout entier n'en sera pas solidaire. Et les Noirs dont vous avez fait de la chair à canon, les Indiens que vous avez enrôlés comme mercenaires, si vous ne les considérez pas comme égaux de droit, ils vous abandonneront et, ma foi, vous reviendrez sous le joug colonial. Autrement dit, Bolivar est celui qui plaide pour l'émancipation des esclaves. Et je ne sais pas si vous savez, mais les créoles n'apprécient pas du tout, c'est-à-dire qu'on leur enlève leur fortune. Ils les ont achetés, ces esclaves. Ils spéculent sur la fortune qu'ils représentent, et si tout à coup on les affranchit, ils ne seront peut-être pas pauvres comme Job, mais ils auront perdu une partie de leur richesse. Les Ravanas sont les vivandières de l'Amérique du Sud. Au Pérou, chaque soldat emmène avec lui autant de femmes qu'il veut. Il y en a qui en ont jusqu'à 4. Elles forment une troupe considérable, précèdent l'armée de plusieurs heures pour avoir le temps de lui procurer des vivres, de les faire cuire et de tout préparer au gîte qu'elle doit occuper. Le départ de l'avant-garde femelle fait de suite juger de tout ce que ces malheureuses ont à souffrir, de la vie de danger et de fatigue qu'elles mènent. Les Ravanas sont armées. Elles chargent sur des mules les marmites, les tentes, tout le bagage enfin. Elles traînent à leur suite une multitude d'enfants de tout âge, font partir leurs mules au grand trot, les suivent en courant, gravissent ainsi les hautes montagnes couvertes de neige, traversent les fleuves à la nage, portant un et quelquefois deux enfants sur leur dos. Lorsqu'elles arrivent au lieu qu'on leur a assigné, elles s'occupent d'abord de choisir le meilleur emplacement pour camper. Ensuite, elles déchargent les mules, dressent des tentes, allaitent et couchent leurs enfants, allument des feux et mettent la cuisine en train. Si elles se trouvent peu éloignées d'un endroit habité, elles s'y portent en détachement pour y faire la provision, se jettent sur le village comme des bêtes affamées et demandent aux habitants des vivres pour l'armée. Quand on leur en donne de bonne volonté, elles ne font aucun mal. Mais si on leur résiste, elles se battent comme des lionnes et par leur féroce courage, triomphent toujours de la résistance. Elles pillent alors, saccagent le village, emportent le butin au camp et le partagent entre elles. Ces femmes qui pourvoient à tous les besoins du soldat, qui lavent et raccommodent ses vêtements, ne reçoivent aucune paye et n'ont pour salaire que la faculté de voler impunément. Elle s'est donc mise dans une position qui lui permet d'être à la fois à l'aise, puisqu'elle est entretenue par son oncle au Pérou, et elle peut être observatrice de ce qui se passe. C'est un personnage un peu énigmatique. C'est le côté malicieux de Flora Tristan qui nous surprend toujours là où on l'attend ailleurs. Premier élément, son oncle, elle lui dit très vite et très clairement: « Mon oncle, je ne quitte pas votre domicile pour ne pas faire un scandale plus épouvantable que celui qui existe déjà, puisque votre attitude me révolte. Vous refusez de m'accorder les droits qui sont les miens. Et vous êtes le premier persuadé que je suis la fille de votre frère, mais faute de certificat de mariage de la part de mes parents, vous me traitez en fille illégitime. » Et elle déclare à son oncle que donc elle ne quittera pas son domicile puisque lui s'accroche et vraiment essaye de faire tout ce qu'il peut pour qu'elle ne le fasse pas. D'accord, je ne ferai pas de scandale à Arequipa, mais j'ai la liberté de mes mouvements. Et notamment, ce qui l'intéresse à Arequipa, c'est pas cet oncle qui adhère au passé, mais c'est un beau colonel, Bernardo Escudero, qui est beau, fringant, joue de la guitare. Ça lui rappelle son capitaine musicien quand elle traversait l'océan sur son bateau, le Mexicain. Chabrier. Voilà, ce Chabrier avait une belle voix d'opéra. Eh bien, Bernardo Escudero est un personnage qui a plus d'allure encore. Le pauvre Chabrier n'avait plus beaucoup de cheveux sur la tête. Il semblerait qu'Escudero soit la plus gâtée. Il est sûrement plus jeune. C'est d'autre part un chef militaire qui a la confiance de la présidente de la République. J'y reviendrai là tout à l'heure. La présidente étant celle qui n'a pas le titre de, mais qui exerce la réalité du pouvoir, ce qui est passablement singulier. Donc Bernardo Escudero a la confiance de Doña Pancha de Gamarra, et d'autre part, c'est un personnage qui a le sens politique et peut-être même un sens humain. Il a gagné la bataille, on verra peut-être dans quelles conditions, toujours est-il qu'il a effectivement gagné la bataille qui lui livrait la ville d'Arequipa. Les troupes, on leur avait promis le pillage de la ville. Et il empêche le sac de la ville. Voilà sûrement un personnage qui a de l'autorité. Je ne sais pas s'il se serait beaucoup grandi. En revanche, il a considérablement fâché ses armées. Eh bien, il les tient suffisamment bien pour qu'il n'y ait pas de pillage de la ville. Et ce Bernardo Escudero, donc est bien fait, est un homme qui n'est pas simplement un homme d'armes brutal, mais c'est aussi quelqu'un qui écrit, et qui est publiciste, et qui a le sens du bien de son pays. Alors simplement, lui-même est désolé au fond de servir une cause un peu douteuse, puisque sa maréchale de présidente de la République est une femme qui est au fond une insurgée. Elle l'a rompu avec la légalité. Alors rompre avec la légalité dans un pays qui ne sait faire que ça, si j'ose dire, c'est peut-être pas le meilleur exemple à suivre. Il n'empêche que elle tire dans ses pérégrinations une conclusion qui est étonnante et qui montre le relief du personnage, se dit au fond, je suis faite pour gouverner. Et finalement, elle ne se trompe pas. Elle le fera en 43-44, et 10 ans plus tard, cette fois-ci avec des perspectives européennes, l'Union ouvrière, elle se voit à la tête de cela, et c'est une machine qui tourne peut-être mieux que notre Europe d'aujourd'hui. Alors, je suis faite pour gouverner, mais comment y arriver? Eh bien, puisqu'il n'y a d'avenir que à travers les militaires, eh bien, je vais séduire un beau colonel. Et elle est déjà, ça y est, elle est au but. Quand elle nous dit, c'est le début de son deuxième tome, qu'elle s'arrache à cette tentation. Alors on a envie de demander pourquoi. Les premiers jours de l'arrivée de mon oncle se passèrent à causer. Je ne me lassais pas de l'entendre. Il me fit l'histoire de toute notre famille, déplora la fatalité qui l'avait privé de me connaître plus tôt. Enfin, il me parla avec tant de bonté et d'affection que j'oubliais sa conduite antérieure et crut pouvoir compter sur sa justice à mon égard. Mais hélas, je ne tardais pas à être détrompée. Un jour que nous causions d'affaires de famille, mon oncle parut désirer connaître le motif qui m'avait fait venir au Pérou. Je lui dis que, n'ayant en France ni parents ni fortune, j'étais venue chercher secours et protection auprès de ma grand-mère, mais qu'apprenant à Valparaiso sa mort, j'avais reporté sur son affection et sur sa justice toutes mes espérances. Cette réponse parut inquiéter mon oncle, et dès les premières paroles qu'il me dit à ce sujet, je restais pétrifiée d'étonnement et de douleur. Vous savez, Florita, que les enfants naturels n'ont aucun droit sur les biens des ascendants de leur père et mère. Ainsi, je n'ai rien à vous, tant que vous ne produirez pas un acte revêtu de toutes les formes légales qui constate le mariage de votre mère avec mon frère. Mon oncle parla sur ce ton pendant plus d'une demi-heure, et la sécheresse de sa voix, l'expression de ses traits décelait qu'il était dans un de ces moments où l'homme est tout entier possédé par sa passion dominante. C'était l'avare dépeint par Walter Scott, le père de Rebecca comptant une à une les pièces d'or de son sac et les y remettant sans rien donner à celui qui vient de le lui faire retrouver. Oh, que l'homme est rapetissé! Qu'il est avili lorsqu'il se laisse ainsi tyranniser par des passions qui étouffent en lui les sentiments de la nature. Faut-il la croire ? Faut-il la croire ? Je pense qu'il y a deux éléments qui jouent. Le premier, c'est que le Pérou n'est peut-être pas à sa mesure. Elle se dit, au fond, dans ces querelles, qui sont des querelles d'oligarchie, de familles qui se disputent le pouvoir, ou alors de généraux qui se disputent le pouvoir, le pays n'en tirera rien. Et donc, à quoi bon être à la tête d'un pays elle qui a le sens de ce scandale de l'esclavage, puisque Bolivar a peut-être préconisé son abolition, mais l'abolition n'a pas eu lieu. Bon, elle qui voit, je dirais, tous les empêchements que précisément les créoles, ces Espagnols sur place désormais affranchis du joug colonial, mettent à une vie politique raisonnable, elle se dit « je ne veux pas servir une république de carnaval ». Et en ce sens-là, c'est véritablement la femme qui est au service d'une cause plus générale, qu'elle appellera bientôt la cause de l'humanité, qui agit. Et la seconde, je pense, est indiscutable, elle le dit, Aline Tristan, qui deviendra la mère de Gauguin, est restée en France. Elle l'a placée dans une pension à Angoulême et elle ne peut pas l'abandonner. Elle avait 30 ans à l'époque, à peu près, 32. Oui, tout à fait. Oui, mais elle en paraissait moins. Elle paraissait très jeune fille. Et l'oncle voulait tout à fait la marier, aurait pu la marier, sauf qu'elle ne pouvait pas se marier. Et c'est peut-être un peu aussi pour ça qu'elle a fui, parce qu'elle était dans une situation intenable. Je rends le divorce, ma commère, en dépit de tous les calotins. Avec leurs quatre mots de latin du mariage, ils font une galère. Et le sacrement vous plonge encore au fond de l'enfer après la mort. Elle était à la fois une Tristan de Moscoso, c'est-à-dire une personne de l'aristocratie, et elle était obligée de refuser tous les hommages, enfin on ne sait pas lesquels elle a vraiment accepté, parce que ça, le mystère de la vie sexuelle de Flora reste total. Et elle revient en France. Et là, elle s'aperçoit qu'une femme étrangère à Paris ne savait littéralement pas où aller. Elle encore, bien qu'elle fût en très mauvais termes avec son oncle, le frère de sa mère, pouvait quand même trouver un toit, mais les autres. Et elle a écrit son premier ouvrage, un opuscule très mince, « Il faut faire accueil aux femmes étrangères ». Cette brochure a attiré l'attention de Charles Fourier, le grand maître de l'utopie, le grand maître non reconnu de l'utopie, qui tous les jours à midi restait dans sa chambre parce qu'il espérait qu'un grand capitaliste, un homme riche, viendrait lui dire « Vous êtes un génie et je publie vos œuvres », ce qui n'est jamais arrivé. Et Charles Fourier s'est dit que c'était là un esprit féminin comme il en avait toujours rêvé, un esprit parfaitement libre et une parole convaincante. C'est-à-dire qu'elle avait à la fois la flamme assez folle de l'utopie et une parole parfaitement articulée et un très beau style. Malheureusement, Fourier est mort. Et Flora en était à chercher des petits travaux de correctrice dans l'édition, dans les librairies, pour vivre. Elle a écrit les pérégrinations d'une paria, c'est-à-dire qu'elle a repris ses notes de voyage. Le livre a paru. Et c'est alors que se sont passés deux événements absolument extraordinaires. D'une part, le livre a fait scandale à Arequipa au point que l'oncle a exigé qu'on le brûlât en place publique devant une large assemblée, devant toute la famille avec tous les serviteurs. Et oui, elle avouait qu'elle était mariée avec deux enfants. Ah ben, elle avouait tout, elle racontait sa vie. C'est son autobiographie, elle ne nous cache rien. Ni le commandant de bord qui était amoureux d'elle, ni la pingrerie de l'oncle. Ni la pingrerie de l'oncle, ni la lâcheté ou le désespoir des femmes autour de lui, qu'il ignorait soigneusement, bien entendu. Elle raconte tout. Et bien sûr qu'il était furieux, cet homme. Naturellement, il lui coupe sa pension, qui était son seul moyen d'existence, très, très modeste, mais qui lui permettait quand même d'attendre, d'avoir un peu de travail. Et d'autre part, en France, son mari, André Chazal, lit ça, lit la vérité sur son mariage, ne le supporte pas, lit ses déclarations de liberté de sa femme, cette négation de lui. Et elle habitait rue du Bac, à peu près aux environs où serait actuellement le Bon Marché, vous voyez, par là. Elle avait même une sorte de salon, c'est beaucoup dire. Elle offrait du sirop d'orgeat à des gens qui venaient discuter de la révolution future avec elle. Et il s'est embusqué chez un confiseur qui était juste en face. Et quand elle est sortie, il a tiré sur elle au pistolet et la balle est passé à quelques centimètres des poumons. Naturellement, elle est tombée. Naturellement, ce fut un fait divers. Naturellement, dans l'effervescence de l'événement, quand on a écrit une femme écrivain, un journaliste a dit « ce doit être George Sand ». C'était la seule femme écrivain connue. Et le lendemain, elle était célèbre. Et une toute autre vie a commencé pour elle à partir de ce moment-là. Et donc, les Pérégrinations d'une paria sont la première œuvre de la littérature de voyage qui soit signée d'une femme. Elle s'engage à rapporter ce qu'elle a vu, ce qu'elle sait, et à ne se fier au témoignage de personne. Elle tient un journal. Hein ? Tout à fait, tout à fait. Alors, vous comprenez que c'est très sûrement une des raisons du succès du livre, qui est, j'ai envie de dire, tout en un, si j'ose dire. C'est-à-dire qu'il y a un côté romanesque, il y a un côté d'histoire politique. Elle aura même la naïveté ou peut-être le côté un peu abusif de réclamer une pension littéraire en disant qu'elle a contribué au développement des relations commerciales franco-péruviennes et sollicitant du ministre de l'Instruction publique une pension littéraire, autrement dit une bourse d'écrivain. Elle voudra essayer de faire valoir ce côté-là. C'est sans doute le côté le plus fragile de son entreprise. Mais en revanche, la description du Pérou politique, c'est à elle qu'on le doit. Et qui, à l'époque, avait la même franchise? Au fond, ceux qui l'ont précédé, et leurs relations de voyage sont intéressantes, ceux qui l'ont précédé ont rencontré l'esclavage. Et après tout, il y a des philosophes qui ont réfléchi sur l'esclavage. Par exemple, à la fin du XVIIIe siècle, un certain Abbé Raynal. La chose ne lui paraissait pas très belle, mais il avait conclu que « laissons les choses en l'état ou faisons-les évoluer doucement ». Alors, ce scandale de Flora Tristan, pour laquelle tout esclave est une insulte au principe de la Révolution, qui précisément abolit l'esclavage, mais vous savez que l'Empire s'est empressé de le réintroduire, cet esclavage, toute insulte aux droits de l'homme est intolérable. Après Pérégrination, Flora Tristan est devenue écrivain. Elle est dans une situation financière difficile, mais elle est écrivain, ça y est. Alors, elle est tout à fait écrivain. Je ne sais pas s'il est dans une situation financière difficile, parce qu'au fond, il y a une coquetterie de Flora Tristan qui consiste à ne pas trop dire ce qu'elle fait de son argent. Et son oncle lui a coupé la pension quand même. Oui, mais ce qu'elle en a ramené n'est pas si mal. Il faudrait regarder un petit peu les contrats qu'elle négocie avec ses éditeurs. Elle vend des livres qu'elle n'a pas encore écrits. Ce qui est assez singulier. Au demeurant, elle a beau avoir une certaine réputation, les éditeurs ne la payent pas encore par avance. Bon, si bien que c'est au fond le côté, je dirais, un peu passionnant de qui se met sur les traces d'un écrivain dont on a envie de retrouver les témoignages, fouiller dans les archives, c'est retrouver les contrats d'édition qui n'ont pas été honorés, retrouver l'esprit procédurier de Flora Tristan, qui n'est pas nièce de son oncle pour rien, et qui donc assigne l'éditeur, dont je pense pas qu'il soit délictueux, mais assigne son éditeur devant les tribunaux. Et on a retrouvé l'acte, non seulement l'acte de décès de Flora Tristan, mais je dirais l'acte notarié de la liquidation de son héritage. Mais on s'aperçoit qu'elle était, plus à l'aise qu'elle ne le laissait croire. Mais au fond, peut-être un petit peu secondaire, et que je trouverais assez déplaisant qu'on puisse lui faire la reproche sur cette considération d'insincérité, en disant qu'elle se serait donnée à la classe ouvrière, mais en étant elle-même d'un autre monde. Bon. Mais en revanche, une chose est tout à fait sûre, c'est quand vous dites que les pérégrinations d'une paria signent son entrée en littérature, oui. Au fond, elle a été là en contact avec Sainte-Beuve, c'est pas l'un des moindres personnages de l'époque. Elle l'écrit dans les grandes revues du temps. Côté futile, on la portraiture pour l'artiste, pour une publication périodique qui s'appelle Les Belles Femmes de Paris. Vous devinez que ça ne lui convient qu'à moitié. Bon, mais en tout cas, elle est vraiment entrée en littérature et elle prévoit d'écrire toute une série de livres, une suite aux Pérégrinations d'une paria, un ouvrage sur Lima et ses mœurs. Elle rentre en littérature aussi par le roman. Cette fois-ci, le roman existe, Mes fils. Mario Vargas Llosa, qui est un de ses compatriotes, puisqu'il est né à Arequipa. Flora Tristán n'y est pas née, mais c'est de là que venait sa famille. Mario Vargas Llosa, qui écrit sur elle un très beau livre, Le Paradis, un peu plus loin, dans la traduction française. Je dirais, au fond, Mario Vargas Llosa est là très... se sent très proche d'elle, et la proximité ne le rend pas aveugle. Il avoue, et je crois qu'il a tout à fait raison, que le roman n'est pas le genre dans lequel elle est laissée un nom. Mais c'est vrai qu'elle est rentrée en littérature, et alors le côté sans doute particulièrement intéressant chez elle, c'est que elle pourrait se faire une rente de cette réputation qu'est la sienne. Or, elle choisit délibérément une autre voie, la suite des Pérégrinations d'une paria. Les tomes 3 et 4 annoncés porteront pour titre Promenade dans Londres. Et cette fois-ci, sous un titre qui est très stendhalien et qui rappelle les Promenades dans Rome, publiées par Stendhal dans les années 1820, sous un titre très stendhalien, elle défend au fond une vision qui est très proche de celle de Stendhal. Stendhal, l'admirateur de Napoléon, en tout cas l'héritier de la Révolution française, est proche de Flora Tristán, qui n'admire sûrement pas Napoléon, mais qui est héritière de la Révolution française. Et tous deux ont en commun un regard sur une société pour qui la liberté est une valeur importante, mais l'égalité est tout à fait indifférente. Et entre les lords et le prolétariat, il n'y a rien de commun. Flora Tristán s'en explique par un mot qui vous prend, je dirais, à la gorge, là, qui noue le cœur, véritablement. Elle a un style qui va droit où il faut aller, et je ne connais pas de plus efficace. En Angleterre, lorsque les chevaux arrivent à la poste, on s'empresse de leur jeter une housse sur les reins, d'essuyer leur sueur, de leur laver les pieds. Puis on les fait entrer dans une écurie bien close, garnie de litière bien sèche. Il y a quelques années qu'on rapprocha les relais, après avoir reconnu que les distances auxquelles ils étaient placés abrégeaient la vie des chevaux par leur trop grande longueur. Oui, mais un cheval coûte 40 à 50 livres sterling à l'industriel, tandis que le pays lui fournit des hommes pour rien. Et c'est tout sauf de la propagande, parce qu'au fond, elle nous dit, écoutez, je ne suis d'aucune des grandes écoles qui structurent la pensée de l'époque. Owen, Saint-Simon, Fourier sont des grands noms dans l'histoire de la pensée en France. Et ils ont fait des vrais progrès à l'histoire sociale. Elle les a rencontrés. Alors, à vrai dire, Saint-Simon est mort depuis un moment, mais il y a Enfantin. Oui. Alors, elle a rencontré Enfantin et lui a fait la leçon, ce qu'il n'a pas du tout apprécié. Imaginez un peu, un homme qui se fait la leçon par une femme, il ne manquait plus que ça. Elle a rencontré Fourier, et de façon assez remarquable, elle lui a laissé une lettre superbe, qui semble avoir été suivie des faits. Elle lui dit, écoutez, moi j'ai pas l'esprit abstrait, à quoi puis-je vous être utile? Et votre théorie demandant à s'inscrire dans la réalité, je suis là pour vous, dites-moi ce que je peux faire. Le chauffoir est au premier étage. Au-dessous se trouve la cave destinée à recevoir le coq. Les chauffeurs, armés de longs fourgons en fer, ouvrirent les fours et en tirèrent le coq qui, tout enflammé, tomba par torrents dans cette cave. Rien de plus terrible, de plus majestueux que ces bouches vomissant les flammes. Rien de plus magique que cette cave soudainement éclairée par les charbons ardents qui se précipitaient comme du haut d'un rocher les flots de la cataracte et comme eux s'engouffrent dans l'abîme. Rien de plus effrayant que la vue des chauffeurs qui ruissellent, de même que s'ils sortaient de l'eau et sont éclairés devant et derrière par ces horribles brasiers dont les langues de feu paraissent s'avancer sur eux comme pour les dévorer. Oh non, il est impossible de voir un spectacle plus effrayant. Je demandai au foreman où ces hommes, baignés de sueur, allaient prendre du repos. « Ils vont se jeter sur un lit qui est sous ce hangar, » me répondit-il froidement. Et au bout d'une couple d'heures, ils recommenceront à chauffer. Ce hangar, ouvert à tous les vents, ne garantit que de la pluie. Il y a un froid glacial. Une espèce de matelas qu'on ne distingue point du charbon qui l'entoure est placé dans un des coins. Je vis les chauffeurs s'étendre sur ce matelas dur comme la pierre. Ils étaient couverts d'un paletot très sale, pénétrés de sueur et de poussière, de charbon à un tel point qu'on en pouvait deviner la couleur. Voilà, me dit le foreman, comment ces hommes deviennent poitrinaires. C'est en passant sans nulle précaution du chaud au froid. Cependant, au contact des révolutionnaires français, Flora Tristan poursuit sa réflexion politique. Dominique de Santi. Oui, et elle fréquente les milieux révolutionnaires et elle fréquente les milieux ouvriers. Et malheureusement, elle s'aperçoit que les ouvriers la considèrent comme une dame, c'est-à-dire quelqu'un d'étranger à leur état. Et elle avait beau se servir du mot de prolétaire, ils ne la considéraient pas comme une prolétaire. Et leurs femmes étaient vraiment en colère contre elle, parce que d'abord, elle la considérait comme une dame très bien habillée. Dieu sait qu'elle s'habillait extrêmement modestement, mais enfin, c'est vrai qu'elle était habillée autrement que les ouvrières de l'époque, qui réellement n'avaient pas les moyens d'avoir des habits décents. Et surtout, cette femme détournait leur mari de l'économie familiale, les encourageait à donner une partie de leur salaire pour une cause. Et les femmes ne voyaient pas en quoi cela pouvait profiter à la famille. De sorte que Flora se heurtait à la fois au particularisme et au corporatisme des ouvriers cultivés, ceux qui avaient déjà des publications, comme l'Atelier et d'autres. Et elle se heurtait à celles qu'elle défendait le plus, les femmes. Donc, elle devenait une paria, même dans ce milieu prolétarien, pour lequel elle voulait lutter. Mais quand même, elle a rencontré, en effet, des révolutionnaires, qui l'ont accepté. Avec certains d'entre eux, elle a eu de grandes passion probablement tout à fait chaste et tout à fait intellectuelle, et, mais elle s'est brouillée avec eux, comme par exemple Gano, qui par la suite reprendra pourtant cette idée messianique de sortir le prolétariat par ses propres forces prolétariennes de la condition où il se trouvait, c'est-à-dire l'idée des syndicats. Mais Flora a quand même obtenu, avec les pérégrinations d'une paria, la possibilité d'aller à Londres faire une enquête sur l'état des classes sociales en Angleterre, en somme. C'est Promenade dans Londres, un grand livre. On y a déjà fait allusion, mais vraiment, elle parle de tout. De la prostitution enfantine, des sweatshops, ces ateliers infernaux où on travaillait jour et nuit, et pensons à certains ateliers clandestins de la région parisienne aujourd'hui où les sans-papiers travaillent, ça n'a pas complètement disparu. Elle parle d'un esclavage qui ne donne pas son nom. Et elle parle de l'immense différence en Angleterre entre les classes sociales et de la méconnaissance totale des droits de ceux qui travaillent. Enfin, elle est réellement, avant Marx et parmi les socialistes de l'utopie dont Marx avoue qu'il a subi l'influence, elle est l'une de celles qui sont allées le plus loin, justement parce qu'elle parle aussi du sort des femmes et des enfants, et qu'elle en parle très bien. Et elle parle des Irlandais, c'est-à-dire des gens qui, inclus dans l'Empire britannique, n'avaient pas les mêmes droits et vivaient dans une misère atroce. Et tout ça se trouvait dans des quartiers de Londres, de même qu'on trouve dans les cités qui environnent Paris des modes de vie qui n'ont rien à voir avec le siècle que nous vivons actuellement. Elle a découvert dans le Londres du XIXe siècle des gens qui vivaient, nous dirions, très en dessous du seuil de pauvreté. Et je crois que c'est surtout les promenades dans Londres qui ont fait d'elle l'une des personnalités socialistes de l'époque. Et par exemple, un jeune ami de Marx, un Allemand, vient la voir rue du Bac et écrit à Marx « Quand tu viendras à Paris, il faut absolument que tu vois cette femme extraordinaire. Tu n'as pas idée combien elle porte les idées que nous avons. » Marx est venu à Paris, mais il n'a pas rencontré Flora Tristan. Compagnons de tout métier, aimez-vous, aimez-vous en frère, sur la vôtre, la misère, unissez vos mains et vos corps. D'une internationale ouvrière. Tout à fait. Mais tout à fait, parce que elle a compris, après Londres et après ses voyages en Amérique latine, elle a compris que les ouvriers ne pouvaient s'en sortir qu'en prenant leur propre sort entre leurs propres mains et en s'unissant au-delà des frontières. Et elle a eu cette idée internationale et cette idée, en somme, de syndicats internationaux. Alors d'autres l'avaient en même temps, mais la plupart d'entre eux n'ont pas voulu faire leur chemin avec Flora. Peut-être parce qu'elle était une femme, peut-être parce qu'ils trouvaient qu'elle avait un mode d'expression trop lyrique, trop passionné. Et elle élabore les idées de l'union ouvrière qui sont des idées, comment dirais-je, de coopérative ouvrière en somme, parce qu'elle dit « si seulement chaque ouvrier donnait un franc de son salaire, nous pourrions avoir des écoles pour nos enfants, des hôpitaux pour nos malades, des maisons pour nos vieillards, nous pourrions avoir des soins médicaux qui nous sont refusés et surtout cette instruction dont nous avons besoin » pour nous sortir de notre sort. Et elle parlait toujours au nom des ouvriers, sans jamais oublier les femmes. Monsieur Chaumette au club lançait ses propos de calibre. Il est bête ce Condorcet qui veut la femme libre. Molière avait 100 fois raison, la Paris-Dondaine, la Paris-Dondon. Quelle tricote, ça suffit, Biribi, à la façon de Barbarie, mon ami. Bonaparte qui vint après leur fils monologue. Toute femme instruite à peu près n'est qu'une idéologue. Il faut la mettre à Charenton, la Paris-Dondaine, la Paris-Dondon. Quelle fabrique des conscrits, Biribi, à la façon de Barbarie, mon ami. Enfin, mesdames, voulez-vous trancher tous ces problèmes? Ne comptez jamais entre nous, jamais que sur vous-même. Portez culotte sans façon, la Paris-Dondaine, la Paris-Dondon. Portez le bonnet rouge aussi, Biribi, à la façon de Barbarie, mon ami. Flora Tristan, ethnographe du petit peuple de Londres, du début de l'industrialisation, Flora Tristan, bravant l'incompréhension de ses contemporains, poursuit en France ce qu'elle considère comme sa mission. Stéphane Michaud. Fourier meurt en 1837, c'est-à-dire 2 ans après ce premier contact qu'elle noue. Peu importe, elle a gardé l'impression de quelqu'un qui voulait agir, et lorsque Fourier a un successeur, un certain considérant, elle ne manque pas de le rudoyer en disant « ressemblez un petit peu à votre maître ». Et à quand vous mettrez-vous en peine, non pas de respectabilité, le monde meurt de respectabilité, mais d'efficacité et de changer la société. Et alors là, la parole fait assez peur à Considérant, qui est l'un de ceux qui salue Flora Tristan, mais qui en même temps lui demanderait ouvertement ou en sous-main de se calmer un petit peu. Ce qui est probablement un espoir imprudent, en tout cas un espoir qui ne sera jamais satisfait, puisque on sait qu'après les promenades dans Londres, vient l'Union ouvrière. Drôle de titre aujourd'hui, on se dit qu'est-ce que c'est? Je pense qu'en fait c'est une magnifique chose, c'est-à-dire que les ouvriers à l'époque sont une préoccupation permanente pour les classes dirigeantes. Ils n'ont aucun droit, et du coup ils se comportent en dehors de la cité, comme des personnages en danger d'insurrection permanente, puisqu'ils n'ont aucune structure dans laquelle faire entendre leur voix. Il n'y a bien sûr pas de syndicat. Le suffrage universel n'existe pas à l'époque. Là aussi, c'est une des choses qui ont existé en France, mais qui ont été abolies. C'est le suffrage censitaire, c'est-à-dire ne votent que les riches. Alors, pourquoi les riches iraient-ils donner le droit de vote aux pauvres? Dans ces conditions, l'Union ouvrière est au fond une chose très, très audacieuse, au point que le manifeste du Parti communiste de Marx, qui viendra après l'Union ouvrière, ne fait que reprendre une idée à l'Union ouvrière, prolétaires de toutes les nations, unissez-vous. Prolétaires de tous les pays, unissez-vous. Flora Tristan avait dit prolétaires, unissez-vous. Il n'en manquait pas grand-chose pour que le tous les pays soient évoqués, puisqu'elle avait reçu, à Paris, au moment où elle travaillait à l'Union ouvrière, elle avait reçu des amis directs de Marx ou des gens que Marx avait bien connus, des Allemands, des socialistes allemands en exil. Et dans son roman, Mario Vargas Llosa peint une rencontre qui est plus que probable, puisque l'Union ouvrière est imprimée dans la même, chez le même imprimeur qui imprime les annales franco-allemandes de Marx et Engels. Alors, Mario Vargas Llosa met ça en scène de façon absolument merveilleuse, où notre Flora Tristan bouscule cette espèce d'ours germanique qui en plus ne parle pas aussi bien français que Flora Tristan, puisque lui écrit ses textes en allemand. Et la scène est en tout cas révélatrice, les personnages sont contemporains. Mais Flora Tristan a, je ne sais pas si c'est très intéressant de dire une longueur d'avance, mais en tout cas, elle est vraiment dans cette ligne, avec simplement une analyse qui est fondée sur un contact personnel et surtout pas livresque avec le monde ouvrier. Et c'est très beau de voir comment les promenades dans Londres, qu'elle réédite plusieurs fois, en 1840, puis ensuite dans une édition populaire en 1842, et sous un titre qui, cette fois-ci, est beaucoup plus parlant, sous le titre « La ville monstre ». Autrement dit, cette monstruosité de la civilisation industrielle qui attend la France à quelques années de là, puisque l'Angleterre est le pays le plus avancé industriellement, et que ce progrès industriel rejoindra un jour la France. Eh bien, Flora Tristan avance dans le monde ouvrier en adressant aux meneurs qui ont cherché à créer une première organisation rudimentaire, elle leur adresse ses promenades dans Londres. Et effectivement, à ce moment-là, les personnages qui sont des réformateurs du compagnonnage ou bien des personnages qui dirigent un journal ouvrier, je pense là à Vinçart, ces personnages ne refusent pas le contact, bien au contraire. Et l'Union ouvrière est un tout petit livre. Cette fois-ci, la femme écrivain, cette fois-ci, se tient en laisse, si j'ose dire. Elle écrit pour un public auquel il faut enfin donner conscience de sa valeur. Elle leur dit, écoutez, ouvriers, ouvrières, arrêtez de vous fier à des gens si bien. Il y en a toute une série. Et elle cite tous ceux qui se sont engagés en faveur de l'émancipation ouvrière. Les Fourier, les Saint-Simon, et tant d'autres. Et pourquoi pas Lamennais, ou tous ceux qui mettent là leur plume au service de la classe ouvrière. Mais au fond, tous ces écrivains, tant qu'ils restent écrivains, ne font peur à personne. Le jour où vous, ouvriers, vous prendrez en main, le jour où vous, vous créerez une force avec une représentation organisée, eh bien cette fois-ci, tout changera. Cette fois-ci, les patrons seront bien obligés d'abandonner ce que pour l'instant ils tiennent, et pourquoi seraient-ils assez bêtes pour lâcher ce dont ils tirent si grandement avantage. Tandis qu'en revanche, devant cette menace de révolution, révolution certes toute pacifique, mais encore plus dangereuse que l'autre, devant cette menace de révolution, eh bien, ils lâcheront les premières lois qui jusqu'à présent n'existent pas. Et ce qui est très beau, si vous me permettez, c'est de voir comment un ouvrage, du coup, se coûte à un autre. Et comment un ouvrage suit l'autre, l'Union ouvrière engendre le Tour de France, et le Tour de France, c'est un journal. Il n'a pas pu être mené à bien. Flora Tristan meurt à Bordeaux, elle avait prévu d'aller beaucoup plus loin. Elle est descendue par la vallée de la Saône, puis celle du Rhône. Elle a parcouru non seulement Lyon, mais dans le Midi, Marseille, Toulon, Béziers, Montpellier. Elle est remontée jusqu'à Bordeaux. Et là, les forces l'abandonnent, c'est là qu'elle meurt. Mais elle avait prévu d'aller beaucoup plus loin. Elle avait déjà annoncé son passage à Nantes, où des groupes l'attendaient. Elle avait prévu de passer aussi en Alsace et dans le Nord. Paris, 4 février, 16 avril 1843. Surchargée de travail, comme je le suis en ce moment, je ne puis jeter ici que des notes, qui plus tard me serviront à faire l'ouvrage dont je mets ici le titre. D'abord, toutes mes lettres d'ouvriers qui sont en ordre dans le même paquet, puis au fur et à mesure les événements. Mon premier début a été le 4 février 1843 d'aller dîner chez Monsieur Gosset, père des forgerons. Je devais trouver là une assemblée de forgerons, mais elle n'avait pas lieu, et je n'y ai trouvé qu'un nombre de forgerons qui m'ont paru des hommes raisonnables. J'ai causé avec deux ou trois qui sont très bien. Monsieur Gosset est fort intelligent, j'en espère beaucoup. La femme ne comprend rien que ses intérêts pécuniaires. Agricole Perdiguier est venu pour lire mon adresse aux ouvriers. Il n'a rien compris. Le mot agir et union universelle des ouvriers et ouvrières ne l'ont pas frappé. La seule chose qui l'ait frappé, c'est mon tour de France. Ah, s'est-il écrié, vous aussi vous allez faire un tour de France? Et il en a paru jaloux. Je ne l'ai pas trouvé bien après cette lecture. Je crois que c'est parce qu'il n'a rien compris. Quel est ce Tour de France? Quel est ce journal? Elle s'est rendue compte d'une vérité élémentaire, mais qu'elle a suggérée. Les ouvriers auxquels elle veut s'adresser ne savent pas lire et ne savent pas écrire. Autrement dit, ce brûlot incendiaire qu'elle a pourtant fait au format de poche, qu'elle a fait le moins cher possible, qu'elle a publié par souscription, ne sert à rien, puisqu'il ne touchera pas son public. Elle a trouvé un format qu'elle appelle un format, on dirait pas encore de poche. L'ouvrage peut être fourré dans les casquettes des ouvriers. Ça veut dire qu'à la pause, au moment du casse-croûte, eh bien, celui qui sait lire pourra lire à son voisin. Et elle s'aperçoit que c'est pas suffisant qu'on le lise parce que ça va ressembler à de l'endoctrinement. Donc il faut qu'elle aille écouter les ouvriers sur place. Et elle s'aperçoit que ceux de Lyon n'ont pas du tout les mêmes habitudes que ceux de Dijon. À Dijon, c'est quelques-uns qui sont perdus parmi les compagnons et qui forment à peine une petite société d'entraide. Tandis qu'à Lyon, on se souvient de la révolte des Canuts en 1831. Elle a fait trembler la ville et il a fallu envoyer l'armée pour remettre de l'ordre. Donc, il y a des structures différentes en fonction de l'organisation du prolétariat et du nombre de la représentation. Mais il y a aussi des mœurs très différentes. Elle dit, mais enfin, qu'est-ce qui se passe à Nîmes, où les ouvriers sont encore plus malheureux qu'ailleurs? Ils se disputent entre catholiques et protestants, à la bonne heure. Et encore heureux si la situation ne va pas encore se compliquer avec des rivalités intérieures et intestines. Cette fois-ci, les compagnons des différentes familles se déchirent. Et donc, elle y va pour essayer de leur dire, écoutez, laissez de côté tous ces enfantillages. Et comprenez bien une chose, et elle le dit aux femmes comme aux hommes, c'est-à-dire aux ouvrières sous-payées, parce que si un ouvrier est mal payé, une femme, tout simplement, est à un moindre degré qu'aujourd'hui, mais dans des proportions effrayantes, sous-payée. Eh bien, elle s'adresse aussi aux femmes. Et c'est d'ailleurs pour elle un motif de faire aboutir ses revendications, un constat réaliste, ce sont les femmes qui tiennent le budget des ouvriers. Et une fois que les ouvriers, un soir de paye, en ont bu une partie, le reste c'est entre les mains de leurs femmes. Eh bien, leur dit-elle, gérez vos choses, vous avez le droit à l'expression, et quand bien même vous ne seriez que limité aux affaires familiales, sachez que la politique entre jusque dans le pot-au-feu. Et la chose est magnifique, après tout, c'est pas si vieux que ça, dans notre expérience de Français, que le boycott des oranges ou de Spain devait aider à l'abolition de l'apartheid en Afrique du Sud. Au fond, selon ce que vous achetez, selon ce que vous faites, selon votre comportement à l'intérieur de la famille, les choses vont changer. Et donc, elle s'adresse aux ouvrières et ouvriers, et c'est très sûrement une marque fondamentale qui la distingue de l'appel de Marx, qui ne met pas encore au féminin son appel. Et c'est ainsi qu'elle est allée partout, à Nîmes, où elle a été très malade déjà, et où elle entendait le bruit que faisaient les lavandières qui lavaient de l'aube jusque fort avant dans la nuit le linge qu'elle battait à coups de battoir. Et c'était pour elle comme le symbole de l'aliénation à la fois de l'ouvrier et de la femme ouvrière. Elle a tenu son journal que nous avons, que nous possédons, qui s'appelle Le Tour de France. Ce qu'elle raconte est terrible sur ces lavandières. Elles étaient dans l'eau, en elles fait. Elles étaient dans l'eau jusqu'au-dessus des genoux. Elles étaient près du lavoir, dans l'eau jusqu'au-dessus des genoux. Elles étalaient les draps de tous ceux qui leur confiaient leur linge et elles le battaient avec quelque chose qui devait ressembler à notre savon noir, enfin d'autrefois. Enfin, quelque chose qui avait besoin d'être très frotté pour laver. Et à coups de battoir, on entendait leur battoir qui rythmait le temps toute la journée. Et elle dit que la particularité, c'est qu'ailleurs, les femmes étaient au sec pour battre le linge. Oui, mais là, elles étaient dans l'eau. Dans l'eau jusqu'au-dessus des genoux. Et ça faisait gonfler les corps et les déformait. Et elle mourait très jeune. Eh oui. C'est une spécialité nîmoise. Nîmes, ce 19 août. Que je souffre moralement et physiquement depuis que je suis ici. Je suis dans un hôtel horrible du Gard, sale, pas de sonnette, des garçons ignobles comme je n'en ai encore jamais vu. Quel martyre que de vivre ainsi dans les hôtels. Je souffre de l'estomac, des coliques, de la diarrhée. Je ne puis rien manger et je suis obligée de courir, de parler, d'écrire. Je tombe de faiblesse. J'éprouve un tel dégoût que je ne puis plus rien manger dans ces sales hôtels. Jamais je n'aurais pu me faire une idée du supplice de vivre pendant 4 mois dans les hôtels du Midi. Je donnerais, dans ce moment-ci, 6 francs par jour pour avoir une nourriture bourgeoise, une bonne soupe grasse, des œufs frais, des pommes de terre et du beurre frais. Le tout fait proprement. Dans cette maudite ville, pas une âme charitable ne m'a offert un dîner. Poussée par la faim, car à la lettre je meurs de faim, j'ai prié M. Plaindoux de m'inviter à dîner. Ma demande a paru l'embarrasser immensément. Il a changé de couleur, sa figure s'est décomposée. Je ne comprends pas pourquoi, car c'était si simple comme médecin, et comprenant ma position, de me dire « Venez manger chez nous une assiettée de soupe et 2 œufs frais ». Il a balbutié quelques mots, mais il ne m'a pas invité. Grand Dieu, où en sommes-nous? Si des hommes de 71 ans, de l'ancienne souche, se disant démocrates et philanthropes, manquent aux lois premières de toute bonne société, l'hospitalité et l'humanité, que doit-on attendre de la génération nouvelle? Quelquefois, elle obtenait l'aide de ceux que l'on pourrait appeler maintenant les progressistes ou les révolutionnaires locaux, quelquefois même des francs-maçons. D'autres fois, au contraire, ils refusaient leur aide. Et elle essayait de parler dans des arrières-salles de café où des journalistes pensaient qu'une femme n'avait pas à parler. Il y avait quelquefois dans les journaux des entrefilets insultants, d'autres fois au contraire des échos d'étonnement et d'admiration pour cette femme. Et de temps en temps, comme à Lyon, il y avait quelque chose qui pour elle était comme un miracle. Alors, à Lyon, comme partout, Flora prend la parole, mais cette fois devant une salle très nombreuse, bondée. Et soudain, quand elle dit « Il n'y aura donc personne pour venir avec moi sur le chemin de l'Union ouvrière », elle voit se lever une jeune femme qui dit « Si, moi, j'irai avec vous ». Et c'était une jeune blanchisseuse, Éléonore Blanc, qui est devenue, ce nom symbolique pour une blanchisseuse, c'est très amusant, mais c'est vraiment son nom. Et elle l'a accompagnée jusqu'au bout. Elle était, pour ainsi dire, son exécutrice testamentaire. Elle a essayé de reprendre le chemin de Flora. Mais évidemment, sans Flora, ce chemin ne s'arrêtait très vite. Et à partir de ce moment, Flora était affermie dans sa certitude d'être la femme Messie, puisqu'il y avait eu ce miracle, et Léonore Blanc qui la suivait, et d'autres l'ont suivie. Il ne faut pas exagérer, elle ne parlait pas absolument sans écho. Beaucoup de gens l'ont approchée, quelques-uns se sont éloignés, effrayés par son excès de flamme. Effrayée par ce qu'elle avait de, nous dirions aujourd'hui, trop romantique, trop passionnée, trop exclusif. Oui, enfin comme le Christ, tu quitteras les tiens pour me suivre, tu quitteras tes parents, tes enfants, ta femme pour me suivre. Eh bien elle, c'était un peu ça. Il fallait tout laisser et aller sur le chemin de l'union ouvrière pour combattre. Alors, Éléonore Blanc, effectivement, a laissé son mari et sa famille, et elle l'a suivi. Et arrivée à Bordeaux, Flora s'est effondrée. Mercredi 22 septembre 1843. Voici aujourd'hui 8 jours que je suis arrivée à Bordeaux. Depuis, il n'a pas cessé de pleuvoir. Ceci est encore un enseignement fort utile pour moi. Je vois que pour mon tour de France, il faut que je me précautionne de triples chaussures, triples vêtements, en un mot que j'ai avec moi de quoi changer 2 ou 3 fois par jour s'il le faut. Car ici, il ne s'agit pas de faire des économies. Je ne puis manquer un rendez-vous important faute d'une paire de souliers. Depuis 8 jours que je suis ici avec 2 mauvaises paires de souliers, j'ai les pieds continuellement mouillés et je suis malade. Or, dans ma position d'apôtre, je n'ai pas le temps d'être malade. Il est certain que ce voyage du Tour de France me coûtera cher. Mais je ne peux pas reculer devant cette dépense car le résultat en est certain. Des gens fort intéressants l'ont recueilli. Lui avait été en Égypte avec d'autres socialistes de l'utopie. Et elle, Elisa, luttera plus tard, y arrivera à fonder des écoles pour filles. Et ce sont ces gens qui l'ont soignée pendant 3 semaines dans un logis qui était pourtant exigu. Et Charles et Elisa Lemonnier ont été ses derniers amis. Ils ont appelé Aline qui est arrivée, Éléonore Blanc qui est arrivée, Jules Laure, je ne sais pas s'il est arrivé tout de suite, mais enfin il était en tout cas présent. Et Flora est morte. Une vie, une œuvre, Flora Tristan, avec Dominique de Santi, biographe de Flora Tristan, Madeleine Lasserre, historienne à Bordeaux, Stéphane Michaud, professeur à Paris 3, qui publie à nouveau Les pérégrinations d'une paria aux éditions Actes Sud. Les textes étaient lus par Vinciane Milroux. Prise de son, Rafik Evorkian, Jean-Pierre Pernel. Mixage, Jean-Richard Dufour, Sébastien Royer. Réalisation Dominique Costa, une émission de Monette Berthomier. Songez, mon ami, que je pars seule, sans aucun appui, sans argent pour payer les journalistes de province pouvant faire de la réclame, que j'ai presque tout le monde contre moi. Les hommes, parce que je demande l'émancipation des femmes. Les propriétaires, parce que je réclame l'émancipation des salariés. Thank you.